Baba nginga impamba o nga imalole o oh ngo ngo yele o ya o ah wajiri izaka bongo wa waila oh bolingo otoki nanga yo mona pamba yo mona pamba yo sabota yo kabamo bimba nanga inyoso kakampo bozangelo koyo babengi mosolo dadya otoki nanga yo mona pamba yo mona pamba yo sabota yo kabamo bimba nanga inyoso kakampo bozangelo koyo babengi mosolo dadya Ngwamba ekuta na kate kasi moto na moto neba kuta na kata jao eba kata deleka na yoto komona na meo koyo kanga isoni na makambo yo salama massage alors comme danser de l'équipe à l'italien appelle au forme de l'équipe à boutique d'Alas appelle au forme de l'équipe sous la pièce à l'Iroma appelle au forme à danser alors ton matin à fête c'est quoi dans mon tequila tina l'impeté tina rigini au pomme danser danser la carte à fête donc au bimini nique mon imigaï kakate soumalobin alors samedi passé, tu commis la self-control chez Vies Pano. Tu les quittes, la carte blanche, bembou, bembou, dora. Mais on dit minga et kakate. Alors, comme on dit ma rivalité, les salariés de la Mouda, de la mélodie. Ima olé, Vies Pano, Ima olé, yo arraye. Na salani ni po, ala zoa yo go. Na salani ni po, yo go. Na silisi bazoni nyoso pona koluka yo na silisi bazoni nyoso pona koluka yo chegie